Voilà, c'est l'intempestive. C'était aussi le pas journaliste et il voulait une interview de Radio Bénivelle. On a dit c'est pas possible, puisque on est, si on fait une interview, de fait, pour essayer d'être suivi par la police, etc., ça, il n'est pas question. Par contre, nous, on peut la faire. On est d'accord, mais on vous prend à un endroit donné. Moi, j'avais une camionnette. On avait bouché toutes les issues dans la camionnette pour pas que les personnes dans la camionnette voient quelque chose. Et on avait emmené ces deux journalistes dans la campagne, à Courtrisy, c'est ça, hein, dans l'Aisne. On avait fait quand même 30 km pour, dans une maison complètement. Et c'est là qu'on avait fait un interview avec ces deux journaleux, qu'on avait ramené sur Reims après dans la camionnette. voilà. Et on avait sorti une photo d'ailleurs de cette interview, où on avait tous des masques. Alors, des masques, des rendez-vous clandestins, des filatures de la police. Est-ce qu'on interviewe aujourd'hui dans l'intempestive un groupe révolutionnaire armé ou bien une fraction indépendantiste? Mais non, c'est Denis et Camille qui ont participé à la fondation de Radio Manivelle en 1978. C'était comme ça, les radios pirates. Radio Manivelle, elle a donné naissance au début des années 80 à Reims FM, et puis encore plus tard à Radio Primitive, qui continue à émettre aujourd'hui et qui n'a plus grand-chose à voir avec la radio Anard des débuts. On aurait bien aimé d'ailleurs avoir leur point de vue, mais apparemment, c'était pas possible. On est donc à Reims, au local de l'OCL, Organisation Communiste Libertaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter au départ tous les deux? Moi, c'est Denis. J'ai fait partie de Radio Manivelle. J'ai eu le privilège, entre guillemets, d'être l'un des deux premiers arrêtés en décembre 1979 par la police. Je faisais donc partie de radio qui s'appelait Radio Manivelle, la radio qui démarre au quart de tour sur Reims. C'est une radio qui était... Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein. Je vais peut-être laisser mon camarade se présenter. Alors moi c'est Camille, donc c'est pareil, je suis au départ de Radio Manivelle. Donc rappelons que Radio Manivelle c'est sur Reims quand même. Et donc moi à l'époque, j'avais fait une demande de statut d'objecteur que je n'avais pas eu puisque je faisais partie du groupe OP20. Donc c'était la demande collective pour être objecteur de conscience et que c'était refusé à l'époque. Et donc à l'époque j'étais insoumis. Voilà. Insoumis à l'armée, parce que maintenant c'est des choses qui se perdent. C'est moins qu'on puisse dire. Alors que dire aussi, mais je pense qu'il faut resituer ça dans le contexte. On est en 78. 60, même 17, les premières, vraiment premières radios. Il y a un mouvement en France qui est né de la presse 68, qui est un mouvement qui se veut de contre-information, qui existe à travers des journaux de contre-information, qui, à Reims, il y a un journal de contre-information qui marche bien, qui s'appelle Le Pavé dans la Marne, dont on est deux des animateurs. C'est un journal qui est mensuel, qui tire quand même sur Reims à 1000 exemplaires. Même des fois à 1200. Quasiment tous sont vendus de manière militante. Hein. On ne passe pas par les réseaux de Hachette, à cette époque-là c'est Hachette. C'est de la contre-information. D'un côté, on est, je pense, un peu bloqué par rapport à la contre-information. On est obligé, pour que les gens s'expriment bien souvent, de faire des interviews. Donc de retranscrire sur papier. L'interview, et puis il y a cette idée qui au niveau national prend encore dans les années 77, c'est l'idée de faire des radios libres. Donc sur Reims, tout naturellement, il y a un groupe de jeunes qui bidouillent, on peut dire, qui nous contactent et qui veulent faire avec nous une radio. Donc on se crée ce collectif de Radio Manivelle. La plupart des gens qui sont dedans sont des gens qui se définissent comme étant libertaires. Bon, vas-y. Non, au départ, c'est beaucoup plus large que ça, sur l'idée. Effectivement, quand on va se retrouver pour faire les premières émissions, Là, on va se retrouver uniquement entre libertaires. Mais au départ, il y a beaucoup plus de monde que ça qui participe aux premières réunions. Mais agir dans l'illégalité, pour certains, c'est un pas qui est difficile à franchir. Ouais, ça c'est évident. Sauf un qui fera après journaliste à France Bleu. Il est toujours journaliste d'ailleurs actuellement. Qui lui nous a étonné puisque c'était le seul qui n'était pas du tout libertaire, tout au moins qui se définissait pas comme tel, qui a décidé de nous accompagner dans toute la démarche de Radio Manivelle. Alors bon, faut dire que c'était quelque part la galère, c'est-à-dire il fallait faire les émissions, généralement on faisait les émissions autour d'une table où on allait sur le terrain faire des interviews plus ou moins longs. On a fait par exemple la lutte du foyer Sonacotra à Reims, on a fait deux émissions, on a fait d'autres émissions liées directement à l'actualité des luttes de la région, pas forcément de Reims, puisqu'on sera omniprésent avec notre radio au sein de la lutte antinucléaire de Chaux, où d'ailleurs il reste des belles émissions de cette époque-là, qui étaient faites donc en direct des manifestations. Voilà, alors bon, après, il fallait émettre. Alors, on donnait rendez-vous aux éditeurs le vendredi à 19h. Et 19h30. Et on peut dire que dès la fin de l'après-midi, la police nous suivait un certain nombre d'entre nous, pour qu'on n'émette pas. Ils sortaient leur goniomètre pour repérer l'instant où on allait émettre. Alors quelquefois, ils se trompaient totalement, l'ergonomètre fonctionnait très mal, donc on pouvait émettre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois même plus. Des fois, au bout de cinq minutes, c'était terminé. Hein. Alors certains, on arrivait de temps en temps à échapper à la police. Dans certains cas, on se faisait piquer le matériel. Il y a eu au total 13 personnes qui ont été arrêtées, au total, hein, dont 12 sur le terrain, lors des missions. On émettait des missions, on émettait d'endroits assez de toits, généralement. La fois où j'ai été arrêté, c'était sur le toit de l'hôpital, où une copine travaillait dans l'hôpital. Et elle a pris des risques énormes, puisqu'elle s'est fait arrêter aussi. Et heureusement, ça s'est bien passé. Donc, il y avait une autre fois, c'était dans les vignes. Hein, il y a eu d'ailleurs une anecdote saignante à propos de ces vignes, puisque celui qui portait l'émetteur va se casser la figure. Et puis on ne va pas du tout émettre ce jour-là. Il y a eu d'autres. On changeait à chaque fois de lieu d'émission. Et quelquefois, on n'entendait rien. D'autres fois, c'était très bien. Ça dépendait. Mais la fréquence, vous la changez aussi tout le temps ? Non. Non. La fréquence était tout le temps la même. C'était tout le temps la même. C'était 93. 93. Mégahertz. Mégahertz. Voilà. Alors, bon, à cette époque-là, il y avait le monopole de l'État, donc. Les radios étaient interdites, on était même recherchés comme des criminels. Il faut savoir que les deux premiers qui ont été arrêtés de Radio Manivelle vont avoir un contrôle judiciaire terrible. Ça va durer plus de 6 mois, jusqu'au mois d'août, hein, où la cour d'appel de Reims va finalement passer le truc. Je ne pouvais pas quitter le département de la Marne, je n'avais plus de permis de conduire, et je devais... comment dire, avec ma copine, Pierrette, on devait aller deux fois par semaine pour le contrôle judiciaire à pointer à la gendarmerie, à la police. Pendant les heures, évidemment, où Radio Manivelle était censée émettre. Hein. Donc, le vendredi, à 19h, on devait être au commissariat. Et voilà. Vous y étiez ? On y était, oui, on y était. À cette époque-là, on n'avait pas trop le choix. Voilà, alors c'était... alors, il y a eu des tas d'anecdotes au niveau de la justice et de la police. Finalement, on n'est jamais passé en procès. Mais ça, comment vous l'expliquez, le fait que vous ne soyez jamais passé en procès ? Puisque apparemment, ils arrêtaient pas mal de monde, quand même. Ouais. Il n'y a pas eu de procès parce que le dossier n'a jamais été refermé. Puisque notre devise, c'était on se fait arrêter, on se fait piquer le matériel, une semaine ou 15 jours après, on réémet. Et on réémettait. Donc, pour le juge d'instruction, l'affaire n'était pas close, c'était pas possible. puisqu'il y avait encore des émissions, et ça va durer comme ça jusqu'en 80. Hein. Donc ça va, c'est 78 à 80 à fin 60, de septembre 79, en fait, jusqu'à l'élection de Mitterrand. Hein. Fin juin 81. Oui, hein. Puisque c'est là qu'il y a les deux dernières personnes arrêtées. Alors, simplement, je vais faire des rajouts par rapport à ce que dit Denis, puisque à l'époque, à cette époque, il y avait un certain nombre de radios qui émettaient, qui étaient tous liés souvent aux luttes sociales, où on retrouvait principalement des gens issus de deux organisations politiques, celle où on appartient à l'organisation communiste libertaire, et une autre organisation qui existait à l'époque qui s'appelait l'OCT, Organisation communiste des travailleurs, donc où un certain nombre de ces personnes qui faisaient de la radio de l'OCT ont collaboré avec l'EPS pour à l'époque faire des émissions de radio riposte. Voilà, c'est la radio du Parti Socialiste. Qui n'était pas la radio du Parti Socialiste, en fait, c'était les gens de l'OCT qui leur donnaient un coup de main. Et donc, de toute façon, on sentait que c'était la fin du monopole, puisque dans les radios qui existaient, il y avait une radio giscardienne à Montpellier qui s'appelait Radio Fil Bleu. Ouais. Hein, et donc, on savait que de toute façon, le monopole allait, quel que soit le président de la République, allait tomber en désuétude. Quoi. Tous les soirs, le même nuage âcre de lacrymogène qui s'élève au-dessus des toits et de la place de l'église. L'ennemi est parmi nous. Des troupes entières comme d'énormes fourmis et leurs armures de plexiglas et leur agressivité. Et cela, la nuit même, à quatre par voiture, vêtus de treillis. Croyez-vous réellement qu'ils viennent pour relever les compteurs? L'ennemi est parmi nous, mais... Chaud, la révolte. En version originale, le métro Goldwyn-Mayer sifflera trois fois. Ah, qu'il est doux, le chant du garde mobile, le soir au fond des cars. Nous montons actuellement vers Chaud, à travers les saignées du vieux massif ardoisier, lourdement étendu sous sa toison forestière. Nombreux sont les antinucléaires qui ont pris et prendront encore cette route. La Meuse glisse paisible et calme sous un chaud soleil. Les très riches heures d'une journée de lutte. C'était un premier extrait de la lutte antinucléaire de Chose sur Radio Manivelle à l'époque. On revient tout de suite dans l'intempestive sur FPP avec Denis et Camille qui nous parlent de l'histoire de cette radio pirate de Reims. Ouais, je crois qu'il faut resituer pour ceux qui n'ont pas connu cette période, c'est que dans les années 70, il y a France Inter avec France Musique, France Culture. Il y a des radios périphériques qui n'émettent pas sur le territoire français, RMC, Radio Monte Carlo, Europe 1 qui n'émettent pas du tout du territoire français, qui émettent je ne sais plus où, d'Andorre peut-être, je ne sais plus. Enfin, et puis Radio Luxembourg, d'accord. Donc au niveau qui est devenu RTL après. Et donc il y avait un sacré monopole d'État. Hein, sans publicité à cette époque-là, sauf bien sûr les radios périphériques où elles avaient effectivement de la publicité. Et le monopole va céder, pas que pour des raisons politiques, c'est aussi pour des raisons aussi économiques, c'est-à-dire que la radiophonie, comme la télévision un peu plus tard, va devenir un enjeu économique. Il y a des gens qui veulent faire du fric avec ça, ils vont y arriver. Ils sont dans l'ombre d'ailleurs, dans la clandestinité. Hein. C'est des gens qui veulent absolument en vivre, mais en plus que ça, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment développer ce marché. Pour eux, c'est un marché, la radio. Hein. Ça peut devenir un marché. D'ailleurs, ils vont faire l'analyse que ça va l'être, et ça l'a été, de fait, hein, quand on regarde un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, alors à cette époque-là, dans les années 77, 78, 79, 80, il y a des rencontres nationales de radio libre, dont une se fait à Reims d'ailleurs, hein, organisée par nous, par Radio Manivelle. Et dans ces réunions, il y a des tas de contradictions. C'est-à-dire qu'on le sent dès le début, qu'il y a ceux qui veulent faire de la contre-information, de la liberté d'expression, qui veulent faire vraiment des radios libres en dehors du marché, alors qu'il y en a d'autres dont on voit tout de suite leur objectif, c'est effectivement de casser le monopole pour pouvoir en vivre eux-mêmes, bien souvent, et aussi pour pouvoir développer ce créneau économique. Alors, de fait, il y a des tas de tensions dans ces réunions. C'est des réunions assez torrides, hein, on peut dire, hein, avec des engueulades terribles, mais très bien, puisqu'il y avait quand même un contenu politique. Hein. Il faut savoir que nous, Radio Manivelle, on avait choisi ce moyen. Pour nous, la radio, c'était un moyen, c'était pas un but en soi. C'est un moyen d'expression qui permettait à ce que finalement, n'importe qui avait quelque chose à dire, et en particulier ceux qui ont des choses à dire, c'est ceux qui sont dans une lutte collective, avaient les micros ouverts et pouvaient donc s'exprimer 5 minutes, un quart d'heure, une heure, deux heures, ça n'avait aucun problème là-dessus. Donc c'était quand même un sacré outil, mais pour nous, ça restait un outil, c'était pas autre chose qu'un outil. C'est pas une fin en soi. Voilà. Oui. Donc il y avait plein d'autres radios qui existaient de lutte à l'époque. Donc il y en avait dans les Ardennes, sur le nucléaire, puis ensuite pour la lutte des sidérurgistes de Vireux. C'était toujours la même radio, ça avait simplement changé de nom. Il y en avait aussi, quand c'était sur chaud, spécifiquement sur le problème anti-nucléaire, ça s'appelait Radio Chauffe qui peut. Et quand c'est passé à la lutte des sidérurgistes plus des antinucléaires, ça s'appelait Radio La Pointe, puisque ça avait simplement changé de lieu d'émission. Il y avait 7 km d'écart, mais bon, voilà. Et c'était des syndicalistes qui tenaient cette radio Il y avait tout. C'était le Radio La Pointe. Donc, le Radio Chauffe qui peut, c'était des gens du village de Chaux qui faisait des émissions et qui mettait un petit peu au-dessus de Chaux, là, parce qu'il y a une petite montagne juste au-dessus et ça, ils émettaient de là-haut. Et puis Radio La Pointe, ça émettait de chez un syndicaliste de la CGT, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, à Vireux, il y avait une intersyndicale dans laquelle ne se retrouvait pas la CGT, mais ces gens chez qui ça émettait, eux, ils étaient à la CGT, mais ils n'étaient pas dans la tendance majoritaire de la CGT, ça fait qu'en fait, c'était tous les sidérurgistes qui pouvaient s'exprimer sur cette antenne, sans problème. Bon, il y en avait aussi à Longwy, puisqu'on a été aussi à Longwy, il y avait donc Lorraine Cœur d'Acier, qui était tenue par la CGT, il y avait SOS Emploi, qui était une plus petite radio par la CFDT. Et à Longwy, il y a eu une rencontre européenne de radio à l'époque. C'était en quelle année, toi ? 79-80. Ouais. Et c'était toutes les radios pirates d'Europe qui se réunissaient pour... Oui. Et après, l'objet des discussions, c'était quoi, là-dedans ? C'était un peu de confronter un petit peu la situation. Alors, il y avait des Belges, il y avait, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait. En Belgique, c'était aussi le début des radios libres. Nos émetteurs venaient de Belgique. C'est là qu'on les achetait. Et d'ailleurs, le mouvement des radios libres en France s'est servi de la Belgique où il y avait des gens qui étaient des pros au niveau de faire des émetteurs. Donc c'est comme ça qu'on achetait nos émetteurs, qui n'étaient pas, c'était des 20 watts, c'était des 50 watts. À la fin, quand même, c'était des 100 watts, ça 150. Ça mettait sur quelques kilomètres. Hein. Non, ça mettait quand même assez. Ça dépendait du relief, en fait. Ça dépend du relief. Et puis là, le problème qu'on a actuellement avec la bande FM, c'est qu'il y a tellement de radios sur la bande FM que pour pouvoir passer, même pour avoir un rayon d'action de 40 kilomètres, il faut une très grosse puissance. À l'époque, avec une très faible puissance, vu qu'il n'y avait personne, les ondes se propageaient assez loin, et on était surpris des fois d'avoir des retours de gens qui l'avaient écouté à des dizaines de kilomètres, alors que des fois, dans certains quartiers de Reims, on n'arrivait pas à la capter. Il ne fallait pas le temps clair, il fallait un temps nuageux. Pour une question de réfraction des ondes, c'est quand il y a un temps clair. Un temps clair comme aujourd'hui, par exemple, ça marchait très très mal, puisque les ondes partaient donc, alors qu'ils n'étaient pas du tout réfléchis par les nuages. Voilà, c'était des trucs qu'on savait à cette époque-là. C'était très bien quand c'est sûr que maintenant, quand on fait de la radio, on ne pense pas trop à regarder la météo. C'est plutôt le contraire. Et pour revenir à cette réunion, la réunion que vous avez organisée ici à Reims, est-ce qu'il y avait l'idée de créer une coordination des radios au niveau européen? Est-ce que c'était dans des logiques d'entraide ou confrontation d'expérience ou construire des fédérations? Donc au niveau en France, il y avait une fédération à l'époque qui s'appelait la FNRL, Fédération Nationale des Radios Libres, qui a éclaté... Dès qu'il y a eu l'autorisation, puisqu'il y a une branche qui est restée FNRL, une branche qui s'est constituée en CNRL, Confédération Nationale des Radios Libres, avec à cette époque-là, avec un essai de putsch de Radio Zinzin de Fort-Calquier, qui a employé les méthodes fortes pour essayer de conserver la FNRL, en envoyant balançant des gaz lacrymo dans l'assemblée. Oui, c'était chaud. Mais pourquoi ils avaient fait ça? C'était quoi cette ancienne? C'est parce qu'ils ne voulaient conserver qu'une seule fédération de radio. Ils étaient pour une unité. Après, avec le problème entre fédération et confédération, qui n'est pas tout à fait la même chose. C'était une histoire de pouvoir. Et donc, eux, ils étaient aussi à l'initiative d'une fédération européenne des radios libres. Il y avait l'idée qui traînait, effectivement, d'une fédération, d'un truc européen. Est-ce qu'eux avaient directement déjà des liens avec la Suisse, avec l'Allemagne, Oui. Radio Zinzin avait déjà ces liens-là, depuis longtemps. Avec l'Autriche aussi, d'où est née d'ailleurs leur communauté. Le fric elle venait de là-bas. Il y avait cette histoire de pouvoir, mais cette scission qui a eu lieu donc en 81 était logique et normale, parce qu'on savait très bien qu'il y avait des gens qui voulaient rester radio libre, même si elle prenait le statut d'associatif, il y avait un certain nombre de radios qui voulaient absolument être indépendants du business, être indépendants de la publicité. Parmi ceux qui... donc il y avait les radios commerciales qui commençaient à poindre leur nez partout. Et parmi les radios commerciales, il y avait un certain nombre de gens qui venaient des radios libres. Tout la bonne et simple raison, c'est parce que ces gens-là voulaient en vivre, voulaient avoir un emploi. Donc, il y a eu des gens qui donc nous ont quittés à cette époque-là, ce qui était logique, quelque part, c'était normal. Ensuite, je pense aussi qu'à cette époque-là, il y avait quand même il y avait des gens qui voulaient vraiment continuer des radios de lutte, faire en sorte que ça reste un outil pour les luttes. Les autres disant, oui, mais les luttes, il n'y en a pas tout le temps, ce qui est vrai. Nous, si on veut faire une radio, on veut faire une vraie radio professionnelle, c'est-à-dire émettre 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et à partir de là, effectivement, se poser les problèmes de moyens, il faut du fric. Il faut des locaux, il faut des tas de choses, il faut de fait soit la publicité, soit l'État qui subventionne, c'est le débat il était là. Puis il y avait nous qui disions, finalement, parmi ceux qui étaient à Radio Ménivelle à cette époque-là, je me rappelle en 81, il y a eu un sacré débat, Il y a eu ceux qui se sont investis dans la naissance de Radio Primitive, quelques-uns d'entre nous. D'autres se sont mis de côté en disant, de toute façon, l'association Egrégor, c'est-à-dire le groupe de l'OCL de Reims, se propose de faire une émission par semaine, une heure. On a même fait des trois fois une demi-heure à une époque, par semaine, donc. Et on a donc été accepté en ces termes-là par les autres. Même s'il y a eu de fait dès le début des conflits au sein de Radio Primitive, c'est dommage qu'il n'y a personne qui est là de Radio Primitive pour nous en dire plus, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas su. Nous, mais bon, il y a quand même eu un certain nombre de gens qui ne nous aimaient pas trop, ce qui était logique quelque part, hein, des gens qui étaient sous influence du Parti Socialiste, qui le sont toujours d'ailleurs. Carré mumé qu'on dégage de la radio, sauf qu'ils n'ont pas pu, parce que tout simplement, on était quand même quelque part, on avait une légitimité historique hein, sur la ville et puis même au niveau national. Et puis il y avait le fait qu'on avait donc des liens avec d'autres radios qui perdurent, puisque notre émission Les Grégores actuellement est diffusée sur Toulouse, sur Canal Sud, elle est diffusée aussi sur l'Écho des Garrigues à Montpellier. On a eu des rapports avec Radio Libertaire, évidemment, sur Paris, Radio Fréquence Plurielle, on a eu des échanges aussi. Donc de fait, notre rayonnement aussi sur le fait que sur la ville, par exemple, cette radio primitive, quand elle est née, s'est posé le problème de l'information, c'est-à-dire de faire véritablement de l'information locale, et elle s'est avérée, à part au niveau associatif, à part au niveau des concerts et des trucs de théâtre et des trucs de ce type-là, des trucs finalement d'ordre culturel, ils n'ont pas pu assumer véritablement leur côté radio local ayant sa propre information. Ça demandait des moyens, ça demandait de toute façon des gens spécialisés, ça demandait donc du fric, ça demandait etc. Donc ils n'ont pas pu faire. Et à chaque fois qu'il y avait une lutte dans la ville, alors il y en a eu quand même des luttes dans la ville, hein. Il y a eu les infirmières par exemple en 84-85, je ne sais pas plus exactement. Il y a eu bien sûr périodiquement les lycéens, les étudiants, 86 étudiants, etc. À chaque fois, ces gens-là se tournaient vers la radio pour faire une émission ou des émissions. Et la radio, à chaque fois, n'étant pas capable d'assumer ce type de contact, nous donnait tout pouvoir pour le faire. Voilà, ça a été un peu le deal qu'il y a eu entre certains anciens de Radio Manivelle et d'autres qui avaient fait Primitive. FM 93 MHz, flash spécial d'information. Chaud. Manifestation antinucléaire du samedi 12 décembre 81. Chaud, chaud, chaud, pas de centrale à chaud. À 14h, place Méhul à Givet, ce samedi 12 décembre, avait été convoqué un rassemblement à l'initiative du Front d'Action Franco-Belge Antinucléaire de Chaud. Or, il s'avéra au bout d'une demi-heure que seules environ 200 personnes étaient présentes à ce rassemblement préparatoire. Ensuite de quoi, le cortège de voitures se dirigea vers Chaux afin de préparer la marche vers la centrale, objectif principal de cette manifestation. Les manifestants étaient à peine arrivés devant le barrage organisé par les gardes mobiles à environ 800 mètres de la centrale que déjà les tirs commençaient. C'était toujours la lutte antinucléaire de Chaux, mais Radio Manivelle était devenue Reims FM à ce moment-là. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel en train d'écouter Denis et Camille nous parler de l'histoire de cette radio pirate de Reims. Les gardes mobiles sont à peu près à 200 mètres de nous. Et alors avant de se lancer dans la radio primitive, sur par rapport à déjà Radio Manivelle, pourquoi vous avez choisi ce nom-là au départ? Alors, la Velle est la rivière qui traverse Reims. Donc c'était un jeu de mots, c'était Mani, M-A-N-I-E, et plus loin, Velle. Voilà, donc c'était un jeu de mots. Comme le canard d'information locale qu'on faisait, qui s'appelait le pavé dans la Marne, et pas le pavé dans la Mare. D'accord. Et sinon, tout à l'heure, Camille, tu me parlais, toi, tu me disais, quand, à chaque fois que les flics ils chopaient le matériel, enfin l'émetteur et tout ça, très vite, il y avait des dons. Le matos était très vite racheté. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un soutien. Il y avait un soutien, et en plus, c'était pas forcément le soutien auquel on s'attendait le plus, puisqu'il y avait des chirurgiens, des médecins, des dentistes, certains qu'on connaissait, puisque quelques-uns d'entre eux avaient un passé militant, d'autres qu'on ne connaissait pas du tout, qui après, on les a connus parce qu'ils ont milité dans des trucs comme Attaque ou autre, auquel on n'est pas forcément d'accord, mais au moins qu'ils continuent à faire des choses. Et bon, on avait tout de suite de l'argent, il n'y avait pas besoin de crier fort pour que les chèques arrivent. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'on a même eu des soutiens qui venaient du fin fond de la France, avec des courriers adressés, c'était simplement écrit à Radio Manivelle, au bon soin du facteur, et c'est tout, et dans les deux jours que ça arrivait à notre boîte postale. Et l'équipe de Radio Manivelle, elle a évolué entre les débuts en 79 et 80? De fait, oui, puisqu'il y a eu 13 arrestations. Donc les 13 ne pouvaient plus émettre, les 12, puisqu'il y en a un qui était simplement été inculpé parce que la police avait reconnu sa voix. Et il avait revendiqué. C'est lui qui était l'animateur de la lutte des fouilles de Sanacotra, qui avait donc été le troisième inculpé, d'ailleurs, de Radio Manivelle. Donc à chaque fois, de fait, ça s'est renouvelé, puisqu'il fallait trouver d'autres gens. Et il n'y a jamais eu de problème, en fait. À chaque fois qu'il y avait des gens qui se faisaient griller, qui étaient complètement grillés, qui ne pouvaient rien faire, certains étaient inculpés, d'autres n'étaient pas, mais étaient suivis d'une manière complètement dingue. Comme moi. Ils étaient, à cette époque-là, je crois que à cette époque-là, ça a toujours été. Mais on tend à oublier que ce qui se passe aujourd'hui, dans l'actualité, avec les filatures, etc., ça existait complètement déjà à cette époque-là. De fait, on trouvait à chaque fois des gens qui reprenaient l'émetteur, ce qu'elle veut dire. On ne mettait pas, rarement plus d'une semaine, pour que l'équipe se reconstitue et recontinue à refonctionner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est jamais passé en procès, puisque le dossier était toujours ouvert, au grand dam de la justice et de la police. Et d'ailleurs, la police nous en voulait beaucoup, puisqu'on les faisait travailler. La police judiciaire, c'était la police judiciaire. C'est la police judiciaire, la PJ, donc, qui était obligée de travailler le vendredi soir, alors que d'habitude, je le sais, parce que quand j'étais arrêté, ils ont décrété, sur le coup des 11h minuit, là, de me laisser en cellule et d'aller bouffer au restaurant, en me disant, c'est à cause des gens comme toi qu'on se permet de travailler le vendredi soir en heures sup, et ces heures sup ne seront jamais payées. Donc effectivement, ils étaient vraiment très mauvais, parce que d'habitude, à 18h, le vendredi, ils étaient en week-end. Alors, donc, pour expliquer tout à l'heure, Denis parlait de la goniométrie. Il n'y avait pas de matériel de goniométrie sur Reims, et il faisait venir des gens de Lille. Tu peux expliquer ce qu'est la goniométrie? C'est la façon de repérer d'où a lieu l'émission. Donc il leur fallait trois voitures équipées de goniomètres. Donc il y en avait une qui venait de Versailles, une qui venait de Lille et l'autre qui venait de Metz. Et donc ils n'avaient pas tellement l'habitude de s'en servir et donc ils avaient beaucoup de mal à nous retrouver, donc ils l'ont fait pendant une époque, ils ont abandonné, et puis ils sont perfectionnés, et une fois, ils ont failli nous choper, ils avaient repéré effectivement le lieu d'où on émettait, mais il y avait des gens qui surveillaient et qui ont vu, donc il fallait qu'ils terminent avec un goniomètre à main, ils avaient repéré un périmètre dans lequel pouvait avoir lieu l'émission, et on a vu le flic avec le goniomètre à main qui arrivait dans la rue, Rue d'à côté. Qui est juste à côté de là où on se trouve actuellement. Et donc, on a fait cesser l'émission, on a eu le temps de rentrer tout le matériel, et personne ce soir-là ne s'est fait arrêter. Hein. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est quand il y a eu les premières arrestations, il y a eu spontanément des gens qui ont téléphoné pendant toute la nuit au commissariat pour que les personnes qui étaient arrêtées soient relâchées, puisqu'en fait, quand vous vous êtes fait arrêter les deux premières personnes, il y en avait quatre, il y en a deux qui sont passés entre les mailles du filet. Et donc la fois d'après, quand des gens sont fait arrêter, alors là, c'est pas grâce à la goniométrie que les gens sont fait arrêter, c'est de la faute aux radioamateurs. Parce que, en fait, les flics, dans un premier temps, soupçonnaient que les gens qui faisaient des émissions de radio faisaient partie du club de radioamateurs de Reims. Et quand il y a eu la suite à la première arrestation, la semaine d'après, eux, ils savaient servir d'une gonio, ils avaient besoin que d'une seule. Et eux, ils ont tout de suite coopéré de où on émettait. Et les flics qui étaient rentrés dans le club de radioamateurs, on profitait des talents des radioamateurs pour arrêter les personnes. Et donc, l'opération téléphone au commissariat s'est mise en place. Et au bout de 2 heures, tout le monde était sorti du commissariat parce qu'ils en avaient marre. Ils voulaient pas que ça recommence comme les fois précédentes. Et pareil, la troisième arrestation, il n'y a même pas eu besoin de téléphoner au commissariat puisqu'ils ont été libérés. Une fois que la police avait leur nom et tout, les a libérés immédiatement. Là. Et il n'y avait personne d'autre qui osait s'installer sur le 93 MHz pendant que vous y étiez ? Non, il n'y a personne. La fréquence, si Radio Primitive après s'est appelée Primitive, c'est parce que déjà, à cette époque-là, en fin 81, c'était la première. Hein, c'est la première. Sur Reims. C'est la première. Donc à cette époque-là, Radio Manuel était la seule qui était sur Reims. D'ailleurs, dans toutes les villes, c'était pareil. Hein. Peut-être à Paris encore. Il y avait quelques-unes à Paris. Quelques-unes. Autrement, à Toulouse, il y avait Radio Barbe Bleue, je crois. Rouge. L'ancêtre de Canal Sud. Voilà. Qui c'est qu'il y avait encore à Lyon, c'était Radio Canu. Il n'y avait qu'une seule radio la plupart du temps, c'est par ville. Hein. Et quand on se voyait au niveau national, il y avait une rencontre tous les 6 mois, grosso modo. Il y avait une trentaine de villes qui étaient là, quoi. Et c'était toutes des grandes villes. Hein. Alors, donc quand tu disais, est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient la fréquence ? Oui, à partir du moment où on savait qu'il y allait avoir des autorisations d'émettre. Quand on a fait des essais pour cette fois-ci émettre en fixe et voir avec le matériel qu'on avait un peu voir la zone, puisqu'au début on a commencé, on avait encore que le matériel de Radio Manivelle avant de s'en acheter un autre plus sophistiqué, on arrête d'émettre et il y a une radio qui se met à émettre. Et donc on a essayé tout de suite de savoir d'où ça m'était. On n'a pas eu besoin d'aller très loin puisqu'ils ont donné un numéro de téléphone. On leur a dit vous dégagez cette fréquence-là ou sinon on vous brouille. N'ayant pas voulu dégager, on a brouillé pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, le propriétaire de la radio nous a contactés pour savoir comment ils pouvaient se mettre sur une fréquence sur Reims. Voilà, parce que... Ça, c'était après l'élection de Mitterrand. Oui, c'est juste après, mais c'était pendant. Donc, dans la période un peu floue, oui, les autorisations à l'arrivée... Septembre-octobre 81, voilà. Il fallait autogérer la bande FM. Voilà. C'est ça. C'était ça. Et donc, c'était en plus, c'était pour mettre une radio commerciale. Déjà, dès le départ. Les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltenues. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. L'idéologie de la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective et la domination du système du capital, et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de inconvénient, j'attends les ordres. Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur les Côtes des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Parler un petit peu, oui, ce soir on va vous parler un petit peu du colonialisme français dans une terre très très lointaine, c'est en Nouvelle-Calédonie, ça continue, on avait parlé sous cette onde il y a de ça quelques décennies, hein, il y a 20 ans, hein. Mais depuis récemment on avait recausé puisqu'il y avait une répression terrible concernant des syndicalistes d'un syndicat autonomiste ou je sais pas comment on peut dire indépendantiste kanak. Alors justement il s'est passé des tas de choses, il y a eu un procès, il y a des gens en prison. Il est important que pour nous, métropole coloniale, on soit au courant de ce qui se passe en notre nom finalement à quelques dizaines de milliers de kilomètres de chez nous. C'était l'indicatif et les premiers mots d'une émission de l'Égrégore sur Radio Primitive, puisqu'on discute aujourd'hui sur Fréquence Paris Pluriel avec Denis et Camille, deux animateurs de cette émission, qui ont également participé à la fondation de la radio pirate Radio Manivelle. Je propose que paisiblement nous entrions. Donc après, à ce moment-là, vers 80-83, il y a Radio Primitive qui se met en place, notamment donc avec les anciennes Radio Manivelle. Et qui d'autre arrive sur le projet à ce moment-là? Il y a des gens qui avaient participé un peu aux discussions, avec qui on était en contact, mais qui ne voulaient pas émettre parce que c'était illégal. Hein, des tas de gens qui... L'attrait du neuf, quoi. Qui ont envie de faire des émissions en tout genre. Alors là, effectivement... Il y a des émissions littéraires, il y a un peu de tout type de... C'est quand même la musique qui attire majoritairement les gens. Le rock. Le rock, c'est... Toutes les variétés de rock. Voilà. Et puis, blues, etc. Mais il y a un attrait certain pour la radio. Et dans un premier temps, c'est encore très associatif. Les gens ont envie de s'investir. Et puis, petit à petit, les gens viennent simplement comme consommateurs, il y a un outil qui est en place, et puis on fait son émission et le reste nous intéresse pas. La bascule en fait entre la période pirate et la période légale, ça a été aussi pour l'État de dire maintenant il faut structurer vos antennes, il faut que vous soyez capable de mettre 24 heures sur 24. Comment cette transition elle s'est faite au niveau de au départ, c'était pas, il n'y avait pas obligation de mettre 24 heures sur 24. Au départ, il fallait réaliser au moins 6 heures d'émission. 6 heures. Voilà. D'ailleurs, il y a une radio qui a gardé un peu ce format, qui fait 6 heures d'émission, qui rediffuse 4 fois dans la journée, qui se trouve dans le coin de Ferney-Voltaire. Ah oui ? Ouais. Et donc, dans un premier temps, on a fonctionné sur cette base-là. Comme c'était des bénévoles, le soir, à partir de 18 heures jusqu'à 24 heures, il y avait des émissions. Puis sont mis des bandes de programmes, qui est enregistré, qui permettait d'émettre plus longtemps. Puis maintenant, c'est 24 heures sur 24. Donc avec... Et aussi le phénomène qui a bien arrangé les radios associatives, le phénomène de jeunes qui étaient indemnisés. Moitié du SMIG qui avait le statut d'emploi précaire, à cette époque-là ça a été tout, les TUC, ça a été je ne sais plus quoi, et permettait donc à la radio d'émettre Il n'y avait pas... parce que là, vous parliez du fait que Radio Manivelle, en fait, s'est fondue dans ce nouveau projet ensuite de Radio Primitive. Et il n'y avait pas assez de militants sur Reims quoi, pour monter une radio qui restait vraiment une radio de lutte. Ben, oui, c'est pour pouvoir émettre au moins, au minimum 6 heures. Puis nous, ce n'était pas notre but, la radio en soi, comme le canard de Contrinfo n'était pas notre but principal. C'était de pouvoir avoir des lieux d'expression propres et qui pouvaient servir à des mouvements de lutte. Voilà. Donc on ne se voyait pas s'investir plus que... à fond la caisse là-dedans, il y avait autre chose qui se passe à côté, et voilà. Donc on était bien contents que des gens prennent le relais pour faire une radio qui soit permanente, mais notre but, bon, on s'est très investi quand même dans le conseil d'administration au départ, et puis petit à petit on s'est retiré, qu'on en a, depuis le temps qu'on fait de la radio, c'est déjà pas mal de pouvoir continuer à faire une émission toutes les semaines. Donc l'émission, c'est le lundi soir, c'est Les Grégor. Voilà. Ouais. Vous pouvez en dire deux mots ? C'était radio, cette émission de Les Grégor, donc, qui existe depuis 1981. Elle a fait suite véritablement à Radio Manivelle, dans le même esprit. Une fois sur deux, en moyenne, c'est une émission qui est faite à base interview. De choses directement liées à l'actualité. On a par exemple interviewé par deux fois des gens de Tarnac par rapport à l'affaire de Tarnac. Donc, on a aussi réalisé des tas d'interviews concernant les sans-papiers, la coordination de Paris qui occupe la bourse du travail à Paris. Donc, on fait donc des tas d'émissions de ce type. Donc d'interviews, puis quand on n'a pas d'interview, ça arrive, c'est pas très grave puisque un certain nombre d'entre nous, eh bien, on pioche un peu l'actualité et on arrive à sortir de cette actualité un certain nombre de commentaires par nous-mêmes, quoi. Mmh. Alors nos émissions sont d'ailleurs écoutables sur le site de l'OCL, OC Libertaire, vous pouvez choper ces émissions de Les Grégor. Ça existe donc depuis 1981, il y en a donc plus de 1000. Ah ouais. Plus de 1000. Une par semaine depuis 1981. Voilà, donc il y a... Oui, parce qu'à un moment, on faisait trois... Alors ça a dépendu des époques. Là, on fait une heure d'affilée. On a fait, par moment, on faisait trois émissions d'une demi-heure par semaine. À trois créneaux différents, mais qui n'étaient... C'était pas une rediffusion de la même émission, c'était trois émissions différentes. Et puis on a fait des émissions plus spécifiques, par exemple liées à la lutte des Kanaks. Donc là, il y avait une association sur Reims de soutien aux Kanaks. Et donc on faisait, en plus de nos émissions, on faisait des émissions spécifiques sur la Kanaki. Il y a des émissions historiques. On peut en citer quelques-unes, je pense, qui nous ont marqué. Il y a celle qui est faite en 82-83 concernant la lutte de Peugeot-Talbot. Non, de Talbot. Talbot. À Talbot. À Poissy. À Poissy. Faite par sur place, juste avant que les flics interviennent dans l'usine. Donc les grévistes parlent, et puis au bout d'un certain temps, on entend les flics qui arrivent et qui vont tout casser. Ensuite, il y a une autre émission qui a bien circulé en France, c'est deux taulards de Clairvaux qui vont avec un petit micro fabriqué par eux-mêmes, vont enregistrer leur vécu quotidien à Clairvaux et vont sortir ces deux émissions, ces deux parties. Il y en a environ une heure en total. Hein. Non, ils avaient fait une heure chacun, je crois. Ouais. Et on va les monter, ces émissions-là, on va les faire circuler en France. Il y a eu toutes les émissions liées à la lutte de Chaux. D'ailleurs, on en a donné trois, qui sont de Radio Manivelle à cette époque-là. Mais la lutte va continuer après 80, puisqu'elle va s'arrêter en 85-86, définitivement. Donc, on aura pas mal d'émissions par rapport à ça. On aura bien évidemment toutes les émissions qui sont liées aux luttes traditionnelles de lycéens, d'étudiants, qu'est-ce qu'il y a encore d'instit. D'infirmières, d'écoles d'infirmières d'ailleurs. Ah bah non, à chaque fois, on est plus ou moins à la référence. C'est-à-dire que sur Reims, ça se sait que la dernière fois, on s'était un peu marré, puisqu'il y avait une lutte d'étudiants en médecine. Généralement, ce n'est pas des gens qui sont proches de nos idées, c'est moins qu'on puisse dire. Et ils s'étaient foutus en grève, et puis l'un d'eux avait dit, mais on l'a su après, il avait dit, mais où est-ce que, à quelle radio on pourrait s'adresser pour pouvoir vraiment exprimer ce qu'on a envie de dire, parce qu'à chaque fois, au niveau des grands médias, on se fait couper, quoi. Ça dure 30 secondes à la télé, et ça dure une minute sur Radio France Bleu, c'est tout, quoi. Et à ce moment-là, ils avaient dit ça à un médecin, qui leur avait dit, bah, allez à Radio Primitive, demandez les Grégor. Et c'est ainsi qu'on avait fait un interview avec eux en direct. On avait d'ailleurs été étonnés d'ailleurs, par le contenu qui n'était pas inintéressant de ces étudiants en médecine. C'est une émission assez récente, hein. Je pense qu'à la date d'un an et demi peut-être, je ne sais pas, environ. Voilà. Et sur Radio Primitive, il y a d'autres émissions comme la vôtre ou pas ? Non, il n'y a pas. Il y a les jeunesses socialistes à un moment qui ont essayé de faire quelque chose. On a essayé. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, il y a les jeunes démocrates aussi qui ont essayé de faire. Bah oui. Et les jeunes centristes. C'est normal. Mais bon, ça ne résiste pas. C'est vous qui tenez le flambeau de la radio libre au sein de la radio primitive. Voilà. Tout à fait, oui. Par rapport à tout ce que vous avez raconté sur la période pirate et ce que faisait Radio Manivelle, vous pensez quoi de la situation actuelle au niveau, enfin de ce que c'est actuellement de faire de la radio libre, donc qui est devenue de la radio associative non commerciale? Je trouve que c'est de plus en plus de la consommation, quoi. C'est ce que j'expliquais, quoi. Les gens viennent, font une émission, et puis c'est pareil, hein. Là je vois sur Radio Primitive, là on a actuellement, il y a du mal à remplacer les émissions qui partent, parce que je crois pas. Alors on parlait de la radio, que la fin du monopole, c'était aussi parce que l'État à l'époque s'était aperçu que c'était la télé qui était intéressant pour eux et plus la radio, donc ils étaient prêts à lâcher là-dessus. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés soit par la télé, mais pareil, qui ont du mal à mettre en place quelque chose, un projet. Parce que Radio Primitive avait essayé à un moment donné de postuler sur la télé numérique terrestre. Ah oui. Ouais. Avait déposé un dossier, il y avait des gens qui étaient intéressés, mais ça n'a pas eu de suite. Et puis le net attire beaucoup de gens aussi. Et bon, c'est assez marrant, quoi. Je pense que la radio, mis à part d'avoir de la musique, avoir des bonnes émissions musicales, pour le reste, l'intérêt est plus là, quoi. De la part de ceux qui pourraient reprendre un petit peu flambeau. Oui, je pense, c'est-à-dire que nous, la Radio Primitive, dans les premières années, il y avait un réel militantisme tout de même, pour ne serait-ce que pour faire connaître la radio, collage d'affiches, pour faire des soirées. Ça a duré quand même une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Et depuis un certain temps, ça a tendance à péricliter. Il y a de moins en moins de gens qui s'investissent vraiment d'une manière militante dans cette radio. Ce qui est un peu logique quelque part, parce que bon, la radio, ce n'est qu'un outil. Hein. Donc si les gens n'ont pas besoin de cet outil, ben, ils laissent tomber, c'est évident. Alors d'un côté, moi je me dis que si demain il y a des luttes importantes quelque part, se reposera le problème de la communication, se reposera le problème donc radiophonique, télévisuel ou de journaux. Hein. C'est évident, ça a toujours été comme ça. Et je pense que c'est important tout de même de savoir faire fonctionner l'outil, parce que c'est pas le journal, ça va, c'est facile. Surtout avec l'informatique. Une radio, c'est un peu plus difficile au niveau de l'émetteur, tout ça. Quant à la télévision, on a affaire à des spécialistes, hein, de fait. Hein, donc, mais la radio numérique, ça va aussi emmener la radio. Et voilà, c'est le problème. C'est le problème. Ça va entraîner la radio sur ce terrain-là, qui va donc échapper. Là, d'un côté, je me dis que la bande FM ne sera pas pour autant terminée, c'est-à-dire qu'elle pourra toujours être utilisée. Toujours être piratée. Les téléphones pour ça. Bien sûr, s'il y a besoin de pirater, il y aura toujours des pirateurs, hein, des pirates pour le faire. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que y en a certains qui sont servis aussi de primitifs comme tremplin pour se retrouver maintenant à la mairie de Reims. Voilà. C'est un investissement d'avenir, la radio-société. Ça a toujours été comme ça. Bah, avant, c'était des gens qui sont terminés journalistes sur une grande radio. France Bleu, par exemple, il y en a eu pas mal. France 3 aussi, il y en a eu pas mal qui se retrouvaient à France 3. Mais là-dessus, je ne critique pas, finalement. C'est des gens qui, finalement, ont trouvé un créneau pour survivre. Au niveau économique, puis ça s'arrête là, quoi, c'est tout. Quoi. Mm-hmm. Par contre, ce qui est beaucoup plus critiquable, c'est ceux qui, effectivement, ont utilisé la radio pour des raisons politiques, quoi, pour des raisons politiciennes. Pas pour des raisons politiques, mais des raisons politiciennes. Donc voilà, c'est sûr que c'est un enjeu de pouvoir. Alors, pas à nous de. Pour que ça reste aussi un espace où les luttes puissent s'exprimer, qu'on continue à batailler sur cette question-là. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. D'autant plus que l'objectif, moi je me rappelle les débats qu'on avait il y a 30 ans donc, c'était de dire on laisse le micro ouvert dans une lutte. Comment dire, la personne, si elle a envie de parler 2 heures, elle parle 2 heures. S'il y a des personnes qui veulent parler des plombs, mais ils parlent des plombs, c'est des palabres. Ça existait, hein, Radio de Longwy, là, c'était aussi, il y avait aussi ça. C'était pas très très structuré au niveau du temps de parole, etc. Mais c'était quelque part vachement chouette. Politiquement, ça permettait une libre expression. C'était pas que de la contre-information, c'était aussi la libre expression, qui n'était pas donc cadrée par le temps, et cadré par les impératifs horaires, t'as fini ton créneau, tu t'en vas. Mmh. Et ponctuellement, de fait, on gagnait quand il y avait une lutte. Micro ouvert, ça marchait toujours, ça bouleversait toutes les données. Et ça, ça existera, ça peut demain réexister, et ça existera toujours. Mmh. D'ailleurs, dans toutes les luttes graves et importantes qu'il y a eu, enfin graves, important, grave pour le système, et c'est poser le problème des outils de communication, donc de radiophonique. Et rappelez-vous, quels que soient les affrontements que vous traversiez, n'oubliez pas ce vieux conseil de la prévention libertaire, un capitalisme peut en cacher un autre. C'est donc avec la prévention libertaire que va se terminer aujourd'hui l'intempestive. C'était donc aujourd'hui l'histoire de Radio Manivelle, une radio pirate de Reims, avec Denis et Camille, qui continuent à officier sur l'émission Les Grégores, que vous pouvez très facilement retrouver en téléchargement sur Internet. Cette émission sera rediffusée mercredi 25 février à 10h sur FPP, et puis elle restera disponible avec des liens et de la documentation sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.